Marie-Claude Diano micro et pour être en phase avec l'heure du souper présentement, Valérie Levé nous propose de dîner avec Darwin. Mais Valérie, comment fait-on pour dîner avec Darwin? Une bonne question parce que ce monsieur n'est plus de ce monde effectivement. Et mais en fait, on peut tout simplement lire le livre qui s'intitule Un dîner avec Darwin qui est paru cet automne aux éditions Multimonde. Son auteur est Jonathan Silverton. Et il est professeur d'écologie évolutive à l'Université d'Édimbourg en Écosse. Et il revisite notre alimentation sous l'angle de l'évolution, donc l'évolution de notre régime alimentaire et aussi de nos aliments. Et c'est assez drôle parce que le livre commence par un repas de famille avec nos ancêtres préhistoriques, comme les Australopithèques, les Homo sapiens, les Néandertaliens. Et la difficulté est de servir à chacun ce qu'ils aiment manger. Alors, par exemple, les Australopithèques, comme la célèbre Lucivre, mangeaient vraisemblablement des végétaux crus, comme les singes actuels. On le déduit d'après les analyses des dents. Il reste du tartre et on est capable d'analyser ces restes, ce qu'il y a dedans. Mais Homo erectus, qui est l'un de nos ancêtres, ne pouvait pas se contenter de végétaux parce que sa cage thoracique n'est pas assez volumineuse pour loger assez d'intestins pour supporter un régime de crudivore végétarien. Okay. Donc en regardant les squelettes, on est capable de faire ce genre d'analyse. Et les chimpanzés, d'ailleurs, ont un côlon plus long que le nôtre et il nous faudrait nous-mêmes humain, un côlon de 40% plus long pour être capable de digérer des végétaux crus. Donc 40% plus long, alors on ne sait pas où on le logerait. Et inversement, il ne pouvait pas manger uniquement de la viande parce que dans la savane qui constituait son environnement, la faune n'avait à offrir que de la viande maigre. Et la viande maigre n'apporte pas assez d'énergie. Donc il était probablement omnivore. OK, mais est-ce que l'Homo erectus mangeait de la viande crue ou est-ce qu'il était capable de la faire cuire? Oui, bonne question. Depuis quand est-ce qu'on fait cuire nos aliments? D'après l'auteur, l'homme aurait commencé à cuire ses aliments il y a 1,5 million d'années. On a trouvé en Afrique des os d'animaux brûlés avec des marques de dépeçage qui suggèrent que la viande a été cuite avant consommation. Mais une raison qui fait penser que Homo erectus cuisait ses aliments est qu'il n'a pas la dentition pour manger de la viande crue. Nos toutes petites canines ne sont quand même pas celles d'un lion. Hein. Donc, si on veut manger de la viande crue avec nos dents, il va falloir qu'on... Ça va être difficile. Et les analyses génétiques aussi ont aussi montré que Homo erectus a perdu un gène qui est responsable du développement d'une forte mâchoire qui permet de mastiquer. Ah, justement. Oui. Et à cette époque-là, l'homme est encore un chasseur-cueilleur. Mais à quelle époque il devient un agriculteur? Alors Marie-Claude, tu connais certainement la réponse j'en doute. Donc ça se passe au néolithique, il y a environ 10 000 ans, dans ce qu'on appelle le croissant fertile, c'est-à-dire l'actuel Moyen-Orient. Là-bas, il y avait des conditions climatiques qui favorisaient les plantes annuelles, et en particulier les céréales à gros grains, comme l'amidonier, qui est un ancêtre du blé. Et à partir de ce moment-là, l'homme a appliqué une sélection artificielle sur les plantes qu'il cultivait. Alors, il a fait ça de façon assez inconsciente. En particulier, pour les céréales, il a eu tendance à cueillir, bien évidemment, les épis dont les grains mûrissent sans tomber. Mm-hmm. Parce que c'est beaucoup plus facile de récolter des grains, des épis tout avec des grains. Tous ensemble, que de les ramasser, ça éparpiller par terre. C'est logique. Et quand l'homme devient-il un éleveur? Alors, à peu près au même moment, parce qu'avec l'agriculture, il y a eu plus à manger et la population a augmenté. Mm-hmm. Mais en même temps, la chasse ne suffisait plus à nourrir toutes ses bouches. Alors, on s'est mis à domestiquer. Les premiers animaux domestiqués auraient été des charognards qui suivaient l'homme pour manger ses restes. Et là, on parle du poulet et du cochon. Alors, l'ancêtre du poulet est le coq doré, qui est originaire d'Asie. Les premières traces de sa domestication datent de 10 000 ans en Chine. Puis de là, de l'Asie, le poulet s'est répandu dans les îles du Pacifique et notamment dans l'île de Pâques, où on a trouvé 1233 poulaillers en pierre. Et ces poulaillers faisaient entre 6 et 21 mètres de long. Donc là, on a quasiment un élevage industriel. Il y a beaucoup de poulets. Ouais, il y avait du monde pour manger tous ces poulets. En plus. Puis ensuite, évidemment, on a retrouvé les poulets partout dans le monde. Puis le cochon, c'est un peu curieux parce que le cochon sauvage était chassé au Moyen-Orient, mais il n'a pas été domestiqué. Donc, il s'est passé quelque chose pour que dans cette région du monde, on ne mange pas de porc. Je pense que tu avais quelque chose à ajouter. Oui, en fait, au niveau de l'archéologie, on va retrouver des traces de porc jusqu'à l'an 1000 avant Jésus-Christ. Et soudainement, il n'y a plus rien qui se passe. Et on croit qu'il a été remplacé par le poulet, qui avait un apport plus efficace de protéines. Donc, ça coûtait moins cher, si on veut, d'eau pour le poulet. Avoir quand même une bonne source de protéines. Et en plus, on a des œufs, ce qu'on peut pas avoir avec le porc. C'est donc, il était peut-être un peu plus efficace. Par contre, au Moyen-Orient, on a domestiqué le mouton et l'auroch, l'auroch qui est devenu le bœuf. Et Jonathan Silverton raconte bien plus en détail, en fait, la généalogie et les processus de sélection de nos animaux domestiques. Et quand on parle de bœuf, on parle donc d'une vache aussi. Et là, il y a la consommation de lait qui rentre en jeu. Qu'est-ce qu'il y en est pour les humains? Oui. Alors, effectivement, avec la question de l'intolérance au lactose en toile de fond, et pour digérer le lactose, il faut une enzyme qui est la lactase. Et normalement, les mammifères cessent de produire cette lactase quand ils sont sevrés. Comme ça, la maman peut réserver son lait au nouveau-né. Pour le prochain. C'est ça. La nature fait bien les choses. Mais dans les populations éleveurs de vaches, comme en Europe, les hommes et les femmes qui continuent à produire de la lactase ont probablement eu un avantage sélectif parce qu'ils pouvaient se nourrir de lait et auraient survécu à un épisode de famine. Et donc, ça, c'est intéressant. Oui, c'est ça, exactement. Donc là, on est vraiment dans la sélection naturelle. Et c'est pourquoi les Européens sont souvent porteurs d'une mutation du gène de la lactase qui permet à cette enzyme de persister à l'âge adulte et donc de continuer à boire du lait à l'âge adulte. Et cette mutation est plus rare ailleurs dans le monde, notamment en Asie. Mm-hmm. Et pour continuer sur le lait, je pourrais aussi parler des fromages, des bactéries, des levures et champignons qu'on y retrouve. Ça a l'air d'être une faune incroyable. Par exemple, il y a une bactérie qu'on trouve sur les fromages et qui vient de la mer et dont on se demande comment elle est arrivée sur le fromage. Et l'hypothèse, c'est que les fromagers ont sans doute utilisé du sel de mer pour l'affinage logique. En surface. Et de là, la bactérie a fait son nid et s'est adaptée à l'environnement du fromage. Ah, c'est quand même intéressant. Ouais. Là, on a quand même pas parlé des légumes, des épices, du vin et de la bière. Non, faute de temps, mais c'est bien au menu du dîner avec Darwin. Alors rapidement, quelques mots sur les légumes. Les légumes qu'on mange aujourd'hui ont bien sûr subi aussi une sélection artificielle pour en améliorer le rendement, mais aussi pour produire des variétés non toxiques. Parce qu'il y a des légumes toxiques? Parce que oui, dans la nature, la plupart des légumes sont toxiques. Donc, les légumes qu'on mange aujourd'hui ont subi une... C'est ça, parce que donc la plupart des ancêtres de nos légumes sont toxiques et que les toxines qu'ils contiennent, en fait, c'était tout simplement des défenses contre les animaux, parce que les plantes, elles peuvent pas se déplacer. Quand il y a un animal qui veut lui croquer dedans, elles peuvent pas se déplacer, mais elles produisent des toxines. Et le moyen de détoxifier les légumes a été de les faire cuire et de sélectionner des variétés non toxiques. Et très curieusement, c'est presque ironique, c'est qu'on ajoute à la cuisson des épices pour leur piquant et pour leur saveur, mais ces épices elles-mêmes ces saveurs sont elles-mêmes dues à des molécules toxiques dont la fonction est encore une fois de protéger exactement la plante contre les animaux et les insectes. Ouais. Puis, pour le vin, les premières traces de vinification ont été trouvées dans le Caucase il y a 10 000 ans. Il s'est décidément passé pas mal de choses dans ce coin de la Terre. Ça bouillonne. Il y a 10 000 ans. Donc, il y aurait eu un deuxième épisode de domestication du côté de la France, de l'Espagne ou de l'Italie. Mais chauvinisme oblige, chacun revendique cette deuxième domestication et la science n'a pas encore réussi à trancher. Et comme on arrive à la fin, je termine en rassurant les amateurs de dessert. Il y a aussi du sucre au dîner avec Darwin. Alors, il y en a définitivement pour tous les goûts. On rappelle donc le titre de l'ouvrage « Un dîner avec Darwin » aux éditions Multimonde et écrit par Jonathan Silvertown, professeur en écologie évolutive. Merci, Valérie. Ça fait plaisir.